conte d'amour, de folie et de mort, de Horacio Quiroga, traduit de l'espagnol par Frédéric Chambert. Le miel sylvestre. J'ai à Salto Oriental deux cousins, aujourd'hui adultes, qui à 12 ans, à la suite de lectures assidues de Jules Verne, eurent la riche initiative d'abandonner leur maison pour aller vivre dans la forêt, à 2 lieues de la ville. Là, ils devaient vivre de façon primitive, de chasse et de pêche. Il va de soi que les deux gamins ne s'étaient pas particulièrement souciés d'emporter des carabines ou des hameçons. Mais de toute façon, les bois étaient là, avec leur liberté comme source de joie et le charme de leur danger. Malheureusement, ceux qui les cherchaient les retrouvèrent le deuxième jour. Ils étaient encore plutôt ahuris, plus qu'à moitié affaiblis, et au grand étonnement de leur frère cadet, également initié à Jules Verne, ils savaient encore se tenir sur leurs deux pieds et avaient conservé l'usage de la parole. L'aventure des deux Robinson eût cependant été plus conforme à la règle si elle avait eu pour théâtre un bois moins fréquenté le dimanche. Ici, à Misiones, les escapades peuvent conduire à des extrémités imprévisibles, et c'est bien à cela que Gabriel Benincasa fut entraîné par fierté pour ses stromboutes. Benincasa, ayant achevé ses études de comptabilité publique, ressentit le désir fulgurant de connaître la vie de la forêt. Il n'y fut pas entraîné par son tempérament, étant avant tout un garçon aux joues roses, paisible et rondouillard en raison de son excellente santé. Par conséquent, quelqu'un d'assez sage pour préférer un thé au lait avec des petits gâteaux à on ne sait quelle aléatoire et infernale nourriture des bois. Mais de même que le célibataire, qui a toujours été plein de bon sens, croit de son devoir, la veille de ses noces, d'enterrer sa vie de garçon dans une nuit d'orgie en compagnie de ses amis, Benincasa voulut honorer sa vie bien huilée par 2 ou 3 chocs d'une vie intense. C'est pourquoi il remontait le Parana jusqu'à un chantier forestier avec ses fameux stromboutes. À peine sorti de Corrientes, il avait chaussé ses grosses bottes, car les caïmans donnaient déjà une touche chaude au paysage. Malgré cela, le comptable public faisait très attention à ses chaussures, évitant les éraflures et les contacts salissants. C'est ainsi qu'il parvint à la fabrique de son parrain, qui dut sur le champ mettre un frein à l'insouciance de son neveu. « Et où vas-tu maintenant ?» lui avait-il demandé, surpris. « Dans la forêt, je veux l'explorer un peu, » répondit Benincasa, qui venait d'ajuster la Winchester à son épaule. « Mais malheureux, tu ne pourras pas faire un pas. Suis le sentier si tu veux, ou plutôt pose cette arme, et demain je te ferai accompagner par un péon. » Benincasa renonça à sa promenade. Cependant, il alla jusqu'à la lisière de la forêt et s'arrêta. Il tenta vaguement d'y mettre un pied, mais il se tint tranquille. Il enfonça ses mains dans ses poches et observa longuement cet enchevêtrement inextricable, tout en sifflant faiblement des bribes de chansons. Après avoir observé à nouveau la forêt de part et d'autre, il rentra assez désappointé. Le lendemain, cependant, il suivit le sentier principal pendant 1 lieue, et bien que son fusil fût resté en sommeil, Benincasa ne regretta pas sa promenade. Les bêtes sauvages viendraient peu à peu. Et celles-ci arrivèrent la 2e nuit. Bien qu'elles fussent d'une nature un peu singulière. Benincasa dormait profondément quand il fut réveillé par son parrain. « Hé, au pilleur, lève-toi avant de manger tout cru !» Benincasa s'assit brusquement sur son lit, ébloui par la lumière des 3 lampes tempêtes qui remuaient d'un bout à l'autre de la pièce. Son parrain et 2 péones aspergeaient le sol. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il en sautant à terre. « Rien, attention à tes pieds !» « La collectionne !» Benincasa avait déjà entendu parler de ces curieuses fourmis que nous appelons collectionnes. Elles sont petites, brillantes, et marchent rapidement, formant une colonne plus ou moins large. Elles sont essentiellement carnivores. Elles avancent en dévorant tout ce qu'elles rencontrent sur leur passage. Araignées, grillons, crapauds, vipères, et tous les êtres qui ne peuvent leur résister. Il n'est pas d'animal, pour grand et fort qu'il soit, qui ne fuit devant elles. Leur entrée dans une maison suppose l'extermination absolue de tout être vivant, car il n'est pas de recoin ou de trou, si profond soit-il, où le fleuve dévorateur ne se précipite. Elle reste au même endroit 1, 2 et même 5 jours selon sa richesse en insectes, en chair ou en graisse. Quand tout est dévoré, elles s'en vont. Elles ne résistent pas cependant à la créosote ou aux drogues du même genre. Et comme au chantier celle-ci ne manque pas, en moins d'une heure le chalet fut délivré de la correction. Benincasa observait de très près sur ses pieds la marque livide d'une morsure. « Elle pique très fort, réellement, » dit-il surpris en levant la tête vers son parrain. Celui-ci, qui n'attachait plus aucune importance à ce genre d'observation, ne répondit pas, se félicitant en revanche d'avoir contenu l'invasion à temps. Benincasa retrouva le sommeil en sursautant pourtant toute la nuit à la suite de cauchemars tropicaux. Le jour suivant, il partait pour la forêt. Mais cette fois avec une machette, ayant fini par comprendre que dans la forêt, un tel ustensile lui serait bien plus utile qu'un fusil. Il va de soi que son coup de main n'était pas merveilleux et ses succès bien moindres encore. La forêt crépusculaire et silencieuse eut au fait de le fatiguer. Elle lui donnait l'impression, d'ailleurs exacte, d'une scène vue de jour. De la bouillonnante vie tropicale, il ne reste à cette heure qu'un théâtre gelé. Pas un animal, pas un oiseau, pas un bruit, ou presque. Benincasa s'en revenait quand un bourdonnement sourd attira son attention. À 10 mètres de lui, près d'un tronc creux, de minuscules abeilles formaient une auréole à l'entrée du trou. Il s'approcha avec précaution et vit au fond de l'ouverture 10 ou 12 bourses obscures de la grosseur d'un œuf. « Ça, c'est du miel !» se dit le comptable avec une secrète gourmandise. « Ça doit être des petites bourses de cire pleines de miel !» Mais entre lui, Benincasa, et les petites bourses, il y avait les abeilles. Après un moment de répit, il pensa au feu. Il ferait une bonne fumée. La chance voulut que, pendant que le voleur approchait avec précaution les feuilles mortes humides, 4 ou 5 abeilles vinssent se poser sur sa main sans le piquer. Benincasa s'immobilisa aussitôt et, retenant son souffle, s'aperçut qu'elle n'avait pas de dard. Sa salive déjà légère se clarifia encore abondante et douce comme le miel. Quels merveilleux et si gentils petits animaux! En un instant, le comptable décrocha les petites bourses de cire et, s'étant éloigné à bonne distance pour éviter le contact visqueux des abeilles, il s'assit sur une racine. Sur les 12 bourses, 7 contenaient du pollen, mais les autres étaient pleines de miel. Un miel obscur à la sombre transparence que Benincasa goûta avec gourmandise. Il avait très distinctement un goût. Mais de quoi ? Le comptable ne put le préciser. Peut-être un goût de résine de fruits ou d'eucalyptus. Pour la même raison, ce miel dense avait un vague arrière-goût amer. Mais en revanche, quel parfum ! Benincasa, après s'être bien assuré que seules 5 petites bourses lui seraient utiles, commença. Son idée était simple : soulever la bourse au-dessus de sa bouche et la laisser couler goutte à goutte. Mais comme le miel était épais, il dut agrandir le trou après être resté une demi-minute la bouche inutilement ouverte. Alors le miel commença à couler, s'étirant en un fil pesant jusque sur la langue du comptable. Les unes après les autres, les 5 bourses se vidèrent dans la bouche de Benincasa. Il lui fut inutile de les maintenir ainsi plus longtemps, et bien plus encore de réexaminer les globes vides. Il dut se résigner. En attendant, cette position prolongée de la tête en arrière lui avait donné un peu le vertige. Lourd de miel, tranquille et les yeux grands ouverts, Benincasa considéra de nouveau la forêt crépusculaire. Les arbres et le sol prenaient des positions par trop obliques et sa tête accompagnait le va-et-vient du paysage. Quel étrange vertige! Pensa le comptable. Et le pire, c'est Comme il essayait de se lever pour faire un pas, il se vit obligé de retomber sur le tronc. Il sentait son corps de plomb, surtout ses jambes, comme si elles étaient considérablement enflées. Et dans les pieds et dans les mains, il avait des fourmis. C'est bien étrange, bien étrange, bien étrange, se répétait stupidement Benincasa, sans rechercher cependant la cause de ce mystère. Comme si j'avais des fourmis. La correction, conclut-il. Et soudain, sa respiration se bloqua sous le coup de l'épouvante. Ça doit être le miel. Il est empoisonné. Je suis empoisonné. Au second effort pour se redresser, ses poils se hérissèrent d'effroi. Il n'avait même pas pu bouger. Maintenant, la sensation d'être de plomb et le fourmillement montaient jusqu'à la ceinture. Maintenant, je vais mourir. D'ici un instant, je vais mourir. Je ne peux déjà plus remuer la main. Dans sa panique, il constata cependant qu'il n'avait pas de fièvre, ni de brûlure de gorge, que son cœur et ses poumons conservaient leur rythme normal. Son angoisse changea de forme. Je suis paralysé. C'est la paralysie. Et on ne va pas me retrouver. Mais une invincible somnolence qui lui laissait toutes ses facultés commençait à s'emparer de lui à mesure que le vertige augmentait. Il crut ainsi remarquer que le sol oscillant devenait noir et s'agitait vertigineusement. De nouveau, le souvenir de la correction lui revint en mémoire et sa pensée se fixa avec une suprême angoisse sur la possibilité que cette chose noire qui envahissait le sol. Il eut encore la force de s'arracher à cette dernière terreur. Et soudain, il lança un cri, un de ces vrais hurlements où la voix de l'homme retrouve la tonalité de celle d'un enfant épouvanté. Sur ses jambes, grimpait précipitamment un fleuve de fourmis noires. Autour de lui, la correction dévoratrice obscurcissait le sol. Et le comptable sentit sous ses caleçons le fleuve de fourmis carnivores qui montait. Son parrain retrouva finalement, 2 jours plus tard, sans la moindre particule de chair, le squelette couvert des vêtements de Benincasa. La correction, qui maraudait encore par là, et les petites bourses de miel vides, l'éclairèrent bien assez. Il n'est pas courant que le miel sylvestre ait ses propriétés narcotiques ou paralysantes, mais cela peut arriver. Les fleurs de cette sorte abondent sous les tropiques, et dans la plupart des cas, le goût du miel suffit à révéler leur nature. Ainsi, l'arrière-goût d'eucalyptus que Benincasa crut sentir. L'oreiller de plume. Sa lune de miel fut un long frisson. Blonde, angélique et timide, le caractère dur de son mari glaça ses rêves enfantins de jeune mariée. Elle l'aimait beaucoup. Et pourtant, c'est avec un léger frémissement que parfois dans la rue, quand ils rentraient ensemble le soir, elle lançait un regard furtif vers la haute stature de Rordan, muet depuis une heure. Quant à lui, il l'aimait profondément sans le laisser paraître. Durant 3 mois, ils s'étaient mariés en avril, ils vécurent un bonheur singulier. Sans doute eût-elle souhaité moins de sévérité dans cet austère ciel d'amour, une tendresse plus expansive et plus ingénue. Mais le visage impassible de son mari la retenait toujours. La maison dans laquelle il vivait n'était pas la moindre cause de ses frémissements. La blancheur de la cour silencieuse, frises, colonnes et statues de marbre, l'éclat glacial du stuc sans la moindre égratignure sur les hauts murs, accentuaient cette sensation de froid inquiétant. Quand on passait d'une pièce à l'autre, la maison entière faisait écho au pas, comme si un abandon prolongé l'avait rendue plus sonore. Dans cet étrange nid d'amour, Alicia passa tout l'automne. Elle s'était malgré tout résignée à jeter un voile sur ses rêves anciens et vivait endormie dans la maison hostile, sans vouloir penser à rien jusqu'à l'arrivée de son mari. Elle fut atteinte d'une grippe qui traîna insidieusement pendant des jours et des jours. Alicia ne s'en remettait pas. Enfin, un après-midi, elle put sortir dans le jardin au bras de son mari. Elle regardait de part et d'autre, indifférente. Soudain, Jordan, avec une profonde tendresse, lui passa très lentement la main dans les cheveux et... Et Alicia fondit alors en sanglots, lui jetant les bras autour du cou. Elle pleura longuement toute son épouvante contenue et ses pleurs redoublaient à la moindre tentative de caresse. Puis les sanglots allèrent s'espaçant. Mais elle resta encore longtemps blottie dans le cou de Jordan, sans bouger ni dire un mot. Ce fut là le dernier jour qu'Alicia put se lever. Le lendemain, au réveil, elle était évanouie. Le médecin de Jordan l'examina avec une extrême attention et lui imposa le lit et un repos absolu. « Je ne sais pas. Elle souffre d'une très grande faiblesse que je ne m'explique pas. Et sans vomissement, sans rien. Si demain elle se réveille comme aujourd'hui, appelez-moi immédiatement. » Le jour suivant, Alicia allait encore plus mal. On consulta. On constata une anémie à évolution suraiguë, parfaitement inexplicable. Alicia ne perdit plus connaissance, mais elle allait visiblement à la mort. La chambre à coucher restait tout le jour entièrement éclairée, dans un silence complet. Les heures se passaient sans que l'on entendît le moindre bruit. Alicia somnolait. Jordan vivait dans le salon, dont toutes les lampes étaient également allumées. Il marchait sans arrêt, de long en large, avec une infatigable obstination. Le tapis étouffait ses pas. Par moments, il entrait dans la chambre et poursuivait son va-et-vient muet le long du lit, s'arrêtant un instant à chaque extrémité pour regarder sa femme. Bientôt, Alicia commença à voir des hallucinations, confuses et flottantes au début, et qui descendirent ensuite au ras du sol. La jeune femme, les yeux démesurément ouverts, ne cessait plus de regarder le tapis de chaque côté du chevet du lit. Une nuit, elle s'immobilisa subitement, le regard fixe. Un instant après, elle ouvrit la bouche pour hurler, et ses narines et ses lèvres se perlèrent de sueur. Cria-t-elle, raide d'épouvante, sans cesser de regarder le tapis. Jordan courut à la chambre. En le voyant paraître, Alicia lança un cri d'horreur. C'est moi, Alicia, c'est moi. Je suis là, ne t'inquiète pas. Alicia, égarée, le regarda le tapis, le regarda de nouveau, et après cette longue et stupéfaite confrontation, se rasséréna. Elle sourit et prit entre les siennes la main de son mari, qu'elle caressa toute une demi-heure en tremblant. Parmi ses hallucinations les plus acharnées, elle vit... Un anthropoïde qui, appuyé de ses doigts sur le tapis, gardait ses yeux fixés sur elle. Les médecins revinrent inutilement. Il y avait là, devant eux, une vie qui s'achevait, dont le sang fuyait de jour en jour, d'heure en heure, sans que l'on sût absolument comment. Lors de la dernière consultation, Alicia gisait dans sa stupeur pendant qu'il prenait son pouls, se passant de l'un à l'autre le poignet inerte. Ils l'observèrent un long moment en silence, puis ils passèrent dans la salle à manger. C'est un cas grave. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bah non. Il ne manquait plus que ça. Et il se mit brusquement à tambouriner sur la table. Alicia continua de s'éteindre dans son délire anémique qui s'aggravait le soir, mais régressait toujours en début de matinée. Sa maladie ne progressait pas durant le jour, mais chaque matin, elle s'éveillait livide, presque en syncope. On eût dit que sa vie s'en allait la nuit seulement, en de nouvelles vagues de sang. Elle avait toujours au réveil l'impression d'être écrasée dans son lit sous des tonnes de plomb. À partir du troisième jour, cette sensation de sombrer ne l'abandonna plus. À peine pouvait-elle bouger la tête. Elle ne voulut plus qu'on touchât au lit, ni même qu'on lui arrangeât l'oreiller. Ces terreurs crépusculaires avançaient maintenant sous la forme de monstres qui rampaient jusqu'au lit et se hissaient péniblement sur l'édredon. Ensuite, elle perdit connaissance. Les deux derniers jours, elle délira sans cesse à mi-voix. Les lampes restaient allumées, funèbres, dans la chambre et dans le salon. Dans le silence d'agonie qui régnait sur la maison, on n'entendait plus que le délire monotone qui sortait du lit et l'écho sourd des éternels pas de Rordan. Alicia mourut, enfin. Et quand la bonne entra pour défaire le lit alors vide, elle regarda un moment l'oreiller avec étonnement. « Monsieur, sur l'oreiller, il y a des taches qui ressemblent à du sang. » Rordan s'approcha rapidement et se pencha dessus. « Effectivement, sur la taie, des deux côtés du creux qu'avait laissé la tête d'Alicia, on voyait deux petites taches sombres. « On dirait des piqûres. » murmura la bonne après l'avoir observée immobile pendant un moment. « Approchez-le de la lumière !» lui dit Rordan. La bonne le souleva, mais elle le laissa immédiatement retomber et resta à le regarder, livide et tremblante. Sans savoir pourquoi, Rordan sentit ses poils se hérisser. « Qu'y a-t-il ? » ? « Il est très lourd !» articula la bonne sans cesser de trembler. Rordan le souleva. Il pesait extraordinairement. Ils le prirent et, sur la table de la salle à manger, Rordan coupa la taie et la doublure d'un coup de couteau. Les plumes du dessus volèrent et la bonne, la bouche grande ouverte, poussa un cri d'horreur en portant ses mains crispées à ses bandeaux. Au fond, au milieu des plumes, remuant lentement ses pattes velues, il y avait une bête monstrueuse. Une boule vivante et visqueuse. Elle était tellement enflée que sa bouche apparaissait à peine. Nuit après nuit, depuis qu'Alicia s'était alitée, elle lui avait sournoisement appliqué sa bouche, ou plutôt sa trompe, sur les tempes. Elle avait sucé tout son sang. La piqûre était imperceptible. En secouant chaque jour son oreiller, on l'avait sans doute au début empêché de se développer. Mais dès que la jeune femme ne put plus bouger, la succion fut vertigineuse. En 5 jours, en 5 nuits, elle avait vidé Alicia. Ces parasites d'oiseaux, minuscules en milieu naturel, parviennent à acquérir dans certaines conditions des proportions énormes. Le sang humain semble leur être particulièrement favorable, et il n'est pas rare d'en trouver dans les oreillers de plumes. La poule égorgée. Toute la journée, assis dans la cour, les 4 enfants idiots de Mazzini Ferraz se tenaient sur un banc. La langue pendante entre les lèvres, le regard hébété, ils remuaient la tête, la bouche grande ouverte. La cour de terre était fermée à l'ouest par un muret de briques. Le banc, à 5 mètres, était parallèle au mur. Et c'est là qu'il restait immobile, le regard rivé sur les briques. Quand le soleil disparaissait derrière le mur, c'était fête pour les idiots. Au début, la lumière aveuglante attirait leur attention. Leurs yeux s'animaient peu à peu. Ils riaient enfin avec fracas, congestionnés par cette hilarité avide, regardant le soleil avec une joie bestiale, comme de la nourriture. D'autres fois, alignés sur le banc, ils grognaient des heures entières en imitant le tramway électrique. Les bruits forts secouaient aussi leur inertie. Et ils couraient alors autour de la cour en se mordant la langue et en beuglant. Mais ils demeuraient presque toujours éteints dans la léthargie sombre de l'idiotie. Et ils passaient toute la journée assis sur leur banc, les jambes pendantes et tranquilles, à imbiber leurs pantalons de salive gluante. L'aîné avait 12 ans et le plus jeune 8. Tout dans leur aspect sale et misérable trahissait l'absence complète de soins maternels. ces quatre idiots pourtant avaient fait un jour la joie de leurs parents. Après 3 mois de mariage, Mazzini et Bertha orientèrent leur amour étroit de mari et femme et de femme et mari vers un avenir bien plus vital. Un enfant. Et quand un fils leur vint, après 14 mois de mariage, ils crurent avoir atteint à la félicité. L'enfant grandit, beau et radieux jusqu'à 1 an et demi, mais à 20 mois, il fut pris une nuit de convulsions terribles, et au matin, il ne reconnaissait plus ses parents. Le médecin l'examina en recherchant visiblement, avec une attention toute professionnelle, la cause du mal dans les maladies des parents. Quelques jours plus tard, les membres paralysés de l'enfant recouvrèrent le mouvement, mais son intelligence, son âme et même son instinct avaient bel et bien disparu. Il était profondément idiot, bavant, avachi, mort à jamais sur les genoux de sa mère. Mon fils chéri. La mère sanglotait sur l'épouvantable déchéance de son premier-né. Le père, désolé, raccompagna le médecin dehors. Bon, à vous, on peut le dire. Je crois que c'est un cas désespéré. Il pourra bien faire quelques progrès. Être éduqué dans la mesure de ce que permet son idiotie, mais pas au-delà. Oui. Oui. Acquiesçait Mazzini. Mais dites-moi, vous croyez que c'est héréditaire? Que... En ce qui concerne l'hérédité paternelle, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais quand j'ai vu votre fils. Quant à la mère, il y a là un poumon qui ne sonne pas bien. Je ne vois rien d'autre. Mais il y a ce souffle un peu rauque. Écoutez, faites-la examiner avec soin. L'âme ébranlée par le remords, Mazzini redoubla d'amour pour son fils. Ce petit idiot qui payait les excès du grand-père. Il dut de même consoler, soutenir sans relâche Bertha, blessée au plus profond par l'échec de sa jeune maternité. Naturellement, le couple reporta tout son amour sur l'espoir d'un autre enfant. Celui-ci naquit, et sa santé et la limpidité de son rire rallumèrent l'avenir éteint. Mais à 18 mois, les convulsions du premier-né se répétèrent et le lendemain, leur second enfant se réveillait idiot. Cette fois-ci, les parents tombèrent dans un profond désespoir. Alors leur sang, leur amour était maudit. Lui, 28 ans, elle, 22, et toute leur tendresse passionnée ne parvenait pas à créer un atome de vie normale. Ils ne demandaient même plus la beauté ou l'intelligence, comme pour leur premier, mais un enfant comme tous les autres. De ce nouveau désastre surgirent de nouvelles flammes d'amour douloureux, un désir fou de racheter, une fois pour toutes, la sainteté de leur tendresse. Des jumeaux survécurent, mais le même processus que pour les deux aînés se répéta point par point. Cependant, par-delà leur immense amertume, il restait à Mazzini et à Bertha une grande compassion pour leurs 4 enfants. Il fallut arracher aux limbes de la plus profonde animalité, non pas leurs âmes, mais même leur instinct aboli. Ils ne savaient ni déglutir, ni se déplacer, ni même s'asseoir. Ils finirent par apprendre à marcher, mais ne voyant pas les obstacles, ils se heurtaient à tout. Ils ne s'animaient que pour manger, quand ils voyaient des couleurs vives ou qu'ils entendaient le tonnerre. Alors il riait, tirant la langue dans un fleuve de bave, rayonnant d'une frénésie bestiale. Il possédait en revanche une certaine faculté d'imitation, mais on ne put en tirer rien de plus. C'est avec les jumeaux que sembla se clore l'effroyable descendance. Mais après 3 ans, Mazzini et Bertha désirèrent de nouveau ardemment un autre enfant, espérant que tout ce temps écoulé aurait conjuré la fatalité. Leur vœu restait insatisfait. Jusqu'alors, chacun avait pris pour lui la part qui lui revenait dans la déchéance des enfants, mais désespérant de se racheter après les 4 bêtes qui étaient nées d'eux, ils laissèrent jaillir ce besoin impérieux d'accuser les autres qui est l'apanage des cœurs inférieurs. Ils commencèrent par changer de pronom. « Tes enfants ». Et comme, en plus des insultes, il y avait les insinuations, l'atmosphère s'alourdit. « Il me semble, » dit un jour Mazzini, qui venait de rentrer et se lavait les mains, « que tu pourrais t'occuper un peu mieux de la propreté de tes enfants. » Bertha continua de lire comme si elle n'avait pas entendu. « C'est la première fois que je te vois t'inquiéter de l'état de tes enfants. » Mazzini, avec un sourire forcé, tourna légèrement la tête vers elle. « De nos enfants, il me semble. »« Bon, de nos enfants, tu es content ?» Et elle leva les yeux. Cette fois-ci, Mazzini s'exprima clairement. « J'espère que tu ne vas pas prétendre que c'est de ma faute, non ?»« Ah non ?» Bertha sourit, très pâle. « Mais ce n'est pas de la mienne non plus, je suppose. Il ne manquerait plus que ça. »« Et quoi donc ?»« Si c'est la faute de quelqu'un, ce n'est pas la mienne. Comprends bien ça. C'est tout ce que je voulais te dire. » Son mari la regarda un moment avec une furieuse envie de l'insulter. « Laissons tomber. » dit-il enfin en se séchant les mains. « Comme tu voudras. » Ce fut là leur première heure et d'autres suivirent. Mais lors des inévitables réconciliations, c'est avec une ardeur et un désir redoublé que leurs âmes se fondaient dans l'espoir d'un autre enfant. C'est ainsi que naquit une petite fille. Ils vécurent 2 ans, l'angoisse au cœur, s'attendant toujours à un nouveau désastre. Rien n'arriva cependant, et les parents firent de leur fille leur unique source de joie, ce dont la petite, démesurément gâtée, profitait jusqu'à l'extrême limite de la mauvaise éducation. Si dans les derniers temps Bertha s'occupait encore de ses fils, dès la naissance de Bertita, elle oublia presque complètement ses autres enfants. Leur seul souvenir l'horrifiait comme quelque chose d'atroce qu'on l'eût obligé à commettre. Il en allait de même pour Mazzini, bien qu'à un moindre degré. La paix n'en avait pas pour autant touché leurs âmes. À la moindre indisposition de leur fille, ressurgissait, avec la terreur de la perdre, la rancœur de leur descendance pourrie. Ils avaient accumulé du fiel pendant trop longtemps pour que la coupe ne fût pleine, et au moindre contact, ils le déversaient. Dès leur première dispute envenimée, ils avaient perdu tout respect l'un pour l'autre. Or, s'il est quelque chose vers quoi l'homme se sente entraîné avec une cruelle délectation, c'est, une fois qu'il a commencé, d'humilier son prochain jusqu'au bout. Auparavant, ils étaient retenus par leur échec mutuel, mais maintenant que le succès était venu, chacun, s'en attribuant le mérite, percevait de façon plus aiguë l'infamie des 4 avortons que l'autre l'avait obligé à engendrer. Avec de tels sentiments, il n'y eut plus d'affection possible pour les 4 aînés. La bonne les habillait, leur donnait à manger, les couchait avec une brutalité manifeste. Elle ne les lavait presque jamais. Ils passaient à peu près tout le jour abandonnés devant le mur, loin de la plus improbable tentative de caresse. C'est ainsi que Bertita fêta ses 4 ans, et cette nuit-là, à la suite de toutes les friandises que ses parents étaient incapables de lui refuser, l'enfant eut quelques frissons et un peu de fièvre. La crainte de la voir mourir ou rester idiote vint rouvrir l'éternelle plaie. Cela faisait 3 heures qu'ils ne se parlaient pas, et le prétexte fut, comme presque toujours, les pas bruyants de Mazzini. Mon Dieu, mais tu ne peux pas marcher plus doucement? Combien de fois je t'ai dit que... Bon, c'est que je n'y pense pas, c'est fini. Je ne le fais pas exprès. C'est ça, je vais te croire. Oui, moi je n'aurais jamais cru que tu... Tu bardes. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Si, je t'ai entendu. Écoute, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je te jure que je préfère n'importe quoi plutôt qu'un père comme celui que toi, tu as eu. Mazzini devint blême. Enfin. Murmura-t-il sans desserrer les dents. Enfin, vipère. Tu as dit ce que tu voulais dire. Oui, vipère, oui. Mais moi, mes parents étaient normaux, tu entends? Normaux. Mon père, lui, n'est pas mort fou. Moi, j'aurais pu avoir des enfants comme tout le monde. Ceux-là, ce sont tes enfants à toi, tous les 4. Mazzini explosa à son tour. Vipère, tu bardes. C'est ça que je t'ai dit et que je voulais te dire. Demande-lui. Demande-lui au docteur qui est responsable de la méningite de tes enfants. Mon père ou ton poumon malade, vipère. Mais quoi, quel poumon vipère. Malade, ça n'a absolument rien ils à voir. Ils continuèrent ainsi avec toujours plus de violence jusqu'à ce qu'un gémissement de Bertita vint sceller instantanément leurs lèvres. À 1 heure du matin, sa légère indigestion avait disparu et comme dans tous les jeunes ménages qui se sont aimés intensément, ne serait-ce qu'une fois, la réconciliation vint fatalement, avec d'autant plus d'effusion que les injures avaient été infâmes. Un jour, Splendide se leva et au réveil, Bertha crachait du sang. Sans doute les émotions et la mauvaise nuit étaient-elles pour beaucoup. Mazzini la retint un long moment serrée entre ses bras et elle pleura désespérément. Mais ni l'un ni l'autre n'osèrent dire un mot. À 10 heures, ils décidèrent de sortir après le déjeuner. Comme ils avaient à peine le temps, ils ordonnèrent à la bonne de tuer une poule. Le jour, radieux, avait arraché les idiots à leur banc. De sorte que la bonne qui égorgeait l'animal en le saignant avec parcimonie, Bertha tenait de sa mère cette excellente méthode pour conserver toute sa fraîcheur à la chair, crut percevoir quelque chose comme une respiration derrière elle. Elle se retourna et vit les 4 idiots côte à côte qui la regardaient opérer avec stupéfaction. « Madame, les enfants sont ici dans la cuisine !» Bertha arriva. Elle n'admettait pas qu'ils y missent les pieds. Elle ne pouvait donc pas, même en 16 heures de plein pardon, d'oubli et de bonheur reconquis, s'épargner cette vision horrible. Parce que, naturellement, plus intense étaient ses transports d'amour pour son mari et sa fille, plus elle était d'humeur irritable avec les 4 monstres. « Qu'ils sortent ! Menez-les dehors ! Dehors, je vous dis !» Et les 4 bêtes, secouées, brutalement repoussées, allèrent choir sur leur banc. Tout le monde sortit après le déjeuner. La bonne partit pour Buenos Aires et le couple alla se promener sur les allées. Ils rentrèrent à la tombée du jour, mais Bertha voulut passer saluer un instant ses voisins d'en face. Sa fille s'échappa aussitôt pour retourner chez ses parents. Pendant ce temps, les idiots étaient restés cloués sur leur banc toute la journée. Le soleil était déjà passé derrière le mur et commençait à disparaître. Mais ils continuaient, eux, à regarder les briques, plus inertes que jamais. Soudain, quelque chose s'interposa entre leur regard et le mur. Leur sœur, fatiguée par 5 heures de maternage, voulait découvrir le monde par elle-même. Debout au pied du mur, elle en regardait pensivement la crête. Elle voulait grimper, cela ne faisait aucun doute. Elle eut alors recours à un fût de kérosène que son sens topographique lui fit placer en position verticale, grâce à quoi elle triompha. Les 4 idiots, d'un regard indifférent, virent comment leur sœur réussissait patiemment à trouver l'équilibre et comment, sur la pointe des pieds, elle appuyait sa gorge sur la crête du mur entre ses mains tendues. Ils la virent regarder de tous côtés et chercher un appui du pied pour se hausser davantage. Mais le regard des idiots s'était animé. Une même et insistante lumière s'était fixée dans leurs pupilles. Ils ne quittaient pas leur sœur des yeux, tandis que peu à peu, une sensation d'avidité bestiale transformait chaque trait de leur visage. Lentement, ils avancèrent vers le mur. La petite qui avait trouvé où poser le pied s'apprêtait à monter à califourchon sur le mur pour certainement tomber de l'autre côté, sentit qu'on lui attrapait la jambe. En dessous d'elle, 8 yeux cloués sur les siens lui firent peur. Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Cria-t-elle en secouant la jambe, mais elle fut entraînée. Maman ! Papa ! Implora-t-elle. Elle essaya bien de s'agripper au rebord, mais elle se sentit arrachée et tomba. Et elle ne put plus crier. L'un d'entre eux lui serra le cou en séparant ses boucles comme s'il s'agissait de plumes. Et les autres la traînèrent par une jambe jusqu'à la cuisine où ce matin-là on avait saigné la poule. Tenue d'une main ferme, en lui arrachant la vie seconde par seconde. Mazzini, dans la maison d'en face, crut entendre la voix de sa fille. « Il me semble qu'elle t'appelle. » dit-il à Bertha. Ils prêtèrent l'oreille, inquiets, mais n'entendirent plus rien. Ils se retirèrent néanmoins un instant plus tard, et pendant que Bertha allait poser son chapeau, Mazzini passait dans la cour. « Bertita ?» Personne ne répondit. « Bertita !» reprit-il en élevant une voix déjà altérée. Et le silence qui suivit fut si funèbre pour son cœur, toujours en alarme, qu'un horrible pressentiment lui glaça le dos. Ma fille. Ma fille. Et il se précipita, désespéré, vers le fond de la cour. Mais en passant devant la cuisine, il vit sur le sol une mer de sang. Il poussa violemment la porte entrouverte et lança un cri d'horreur. Non. Bertha, que l'appel angoissé du père avait fait accourir, l'entendit crier et cria à son tour. Mais comme elle se précipitait dans la cuisine, Mazzini, blême comme la mort, s'interposa pour la retenir. N'entre pas. N'entre pas. Bertha réussit à voir le sol inondé de sang. C'est à peine si elle put enfouir son visage dans ses mains. Et elle s'effondra avec un soupir rauque le long de son mari. À la dérive. L'homme marcha sur quelque chose de mou et sentit aussitôt la morsure à son pied. Il bondit en avant et en se retournant, il vit en jurant une Yararakusso qui, enroulée sur elle-même, attendait une autre attaque. Yararakusso, vous savez, ce serpent qui doit son nom à cette petite croix qu'il a sur la tête. L'homme jeta un rapide coup d'œil à son pied où deux gouttelettes de sang grossissaient péniblement et sortit sa machette de sa ceinture. Le serpent vit la menace et enfonça davantage la tête au centre même de sa spirale, mais le dos de la lame tomba, lui disloquant les vertèbres. L'homme se baissa, essuya les gouttelettes de sang et contempla un instant la morsure. Une douleur aiguë naissait des deux petits points violets et commençait à envahir tout le pied. Il serra sa cheville en toute hâte avec son foulard et suivit le sentier jusqu'à sa cabane. La douleur au pied augmentait, et l'homme éprouvait maintenant le tiraillement d'une enflure. Soudain, il sentit deux ou trois élancements fulgurants qui, tels des éclairs, irradièrent de sa blessure jusqu'au milieu du mollet. Il remuait la jambe avec difficulté. Une sécheresse métallique de la gorge, puis une soif brûlante, lui arrachèrent un nouveau juron. Il arriva enfin à sa cabane et s'affala sur la roue du moulin à sucre. Les deux petits points violets avaient disparu dans la monstrueuse boursouflure du pied tout entier. La peau trop tendue semblait plus mince, prête à céder. Il voulut appeler sa femme, mais sa voix se brisa en un raclement rauque de gorge desséchée. La soif le dévorait. « Dorothea !» parvint-il à lancer dans un râle. « Donne-moi de la cagna !» La femme repartit en courant et revint avec la dame Jeanne. L'homme avala deux verres coup sur coup, mais il ne sentit rien dans sa gorge. Bon, ça se gâte, murmura-t-il alors, regardant son pied livide et déjà luisant de gangrène. Par-dessus le mouchoir qui s'enfonçait, la chair débordait comme un boudin monstrueux. Les douleurs fulgurantes se succédaient en éclairs continus et atteignaient maintenant l'aine. L'atroce sécheresse de la gorge, que le souffle semblait encore échauffer, augmentait également. Quand il tenta de se relever, un vomissement foudroyant le maintint une demi-minute, le front appuyé contre la roue de bois. Mais l'homme ne voulait pas mourir. Et descendant jusqu'à la berge, il monta dans son canot. Il s'assit sur la poupe et commença à ramer jusqu'au milieu du Parana. Là, le courant du fleuve, qui dans les environs de l'Iguassou file sinueux, le mènerait en moins de 5 heures à Takurupuku. L'homme, avec une sombre énergie, put effectivement arriver jusqu'au milieu du fleuve. Mais là, ses mains endormies laissèrent tomber la rame dans le canot. Et après un nouveau vomissement, de sang cette fois-ci, il regarda un instant le soleil qui déclinait déjà derrière la forêt. Toute sa jambe, jusqu'à mi-cuisse, n'était plus qu'un bloc difforme et très dur qui crevait le vêtement. L'homme coupa la ligature et ouvrit son pantalon avec son couteau. Le bas-ventre déborda, boursouflé, couvert de grandes taches livides, et l'homme pensa que tout seul, Il ne pourrait jamais atteindre Takurupuku, et il se décida à demander de l'aide à son compère Alves. Le courant du fleuve se précipitait maintenant vers la rive brésilienne, et l'homme put facilement accoster. Il se traîna sur le sentier montant, mais au bout de 20 mètres, épuisé, il s'effondra sur le ventre. « Alves ! » cria-t-il de toutes ses forces, et il tendit l'oreille en vain. Dans le silence de la forêt, on n'entendit aucun bruit. L'homme trouva encore le courage d'arriver jusqu'à son canot, et le courant s'en emparant à nouveau l'emporta rapidement à la dérive. Là, le Paraná, encaissé au fond d'une fosse immense, entre des parois hautes de 100 mètres, coule funèbrement. Sur les berges bordées de noirs blocs de basalte, la forêt s'élève déjà, noire elle aussi. Devant, sur les côtés, derrière, toujours l'éternelle muraille lugubre, au pied de laquelle le fleuve tourbillonnant précipite en incessant remous son eau fangeuse. Sur le paysage agressif règne un silence de mort. À la tombée du jour, cependant, sa beauté sombre et calme acquiert une majesté unique. Le soleil s'était déjà couché quand l'homme à demi étendu au fond de sa barque eut un violent frisson. Et soudain, étonné, il releva lourdement la tête. Il se sentait mieux. Sa jambe le faisait à peine souffrir. Sa soif diminuait. Et sa poitrine, libérée, s'ouvrait en une lente inspiration. Le venin commençait à se retirer, il n'y avait pas de doute. Il se sentait presque bien. Et quoiqu'il n'eût pas la force de bouger la main, il comptait sur la chute de la rosée pour se remettre tout à fait. Il calcula qu'avant 3 heures, il serait à Takurupuku. Son bien-être augmentait. Et avec lui, une somnolence pleine de souvenirs. Il ne sentait plus rien, ni à la jambe, ni au ventre. Son compère, Gaona, vivait-il encore à Takurupuku? Peut-être verrait-il aussi son ex-patron, Mr. Dugald, et le receveur de la fabrique. Le ciel au couchant s'ouvrait maintenant comme un écran d'or, et le fleuve lui aussi s'était coloré. Depuis la côte paraguayenne, déjà plongée dans les ténèbres, la forêt laissait tomber sur le fleuve sa fraîcheur crépusculaire en pénétrants effluves de fleurs d'oranger et de miel sylvestre. Sur le fleuve d'or, tournant quelquefois sur lui-même dans les remous d'un tourbillon, le canot dérivait rapidement. L'homme qui était dedans se sentait de mieux en mieux et pensait, entre autres, au temps exact qu'il avait passé sans voir son ex-patron Dugald. 3 ans. Peut-être pas. Pas autant. Soudain, il sentit qu'il était glacé jusqu'à la poitrine. Ce devait être... Quoi ? Et sa respiration ? Le receveur de bois de Mr. Dugald, Cubilla, de Lorenzo, il l'avait connu à Puerto Esperanza un vendredi saint. Un vendredi ? Oui, ou un jeudi ? L'homme étira lentement les doigts de sa main. Et il cessa de respirer. Conte d'amour, de folie et de mort, de Horacio Quiroga. Traduit de l'espagnol par Frédéric Chambert. Avec Bernard-Pierre Donadieu, Gabriel Ledose, Joaquina Belaunde, Christophe Boudet, Emmanuel Barouillet, Caroline Appéré, Martin Amic, Justine Marche, Hélène Leroux, Ilana Castro, Elsa Galès. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Cécile Braque. Assistante de réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Myron Merson. Les contes d'amour, de folie et de mort de Horacio Quiroga, traduit de l'espagnol par Frédéric Chambert, ont été publiés aux éditions Métellier, UNESCO.